Allô? Allô? Puis-je rejoindre Nicolas Bacchus? Nicolas Bacchus. Nicolas Bacchus. C'est mon invité. En ce 13 avril 2012. 12. 2000. Nicolas Bacchus. Allô? Monsieur? Vous connaissez Monsieur Bacchus? Le chanteur? Le producteur? L'interprète? Nous le présentons ce soir à l'émission Errance Reynaldienne jusqu'à... Oui. Nicolas? Nicolas? C'est Reynald. C'est Reynald. Non, il n'y a pas de sérénade. Tu ne comprends pas, René. René, pas sérénade. Nicolas. Bacchus. Errance Reynaldienne. Québec. La ville. Le pays. J'ai dit le pays. Canada? Calme-toi, Nicolas. C'est le Québec. La ville. La province. Oui. Voilà, c'est Reynald. Errance Reynaldienne. Ce soir. En ce mois d'avril, 13, vendredi 13, Nicolas, tu comprends, c'est Errance Reynaldienne.

Tu veux manger du corps, vous dites, Mayotte. C'est vrai. Il était pas. Il avait son bon jugement, mais il était déjà le voyant un peu. C'est pas long, il connaissait. Il dit, as-tu su, monsieur, je suis mort? Il dit, tu mort? C'est pas long, il connaissait. Il dit, as-tu su, monsieur, je suis mort? Par-dessus le marché, c'est le vendredi 13 avril. Gaétan? Ouais, mais c'est pas la première fois que c'est un vendredi 13. Ouais, mais 13 avril. Ouais. Puis demain? Demain, c'est le 14. Ouais, puis après? Ici aura la suite. Puis la suite? Ah, la suite, c'est indéfini, mais un trouble incroyable s'arrive, va affronter notre cortex cérébral. OK, moi, voyons. Là, prends deux bouffées. Deux bouffées d'air frais? Il n'y a plus d'air frais. C'est le vendredi 13, bon. Plus rien ne tient. Mais je peux quand même dire à mes les auditeurs, il y a de la mouche. Hein? Ah, il y a de la mouche. Arrête de zézayer. Non, c'est pas moi qui zézaye. J'aime pas ça quand tu dis ça, Jean-Luc, devant un public. Ça fait peur, hein? Oui, j'ai peur. Hey, monsieur, il est pris dans sa bouteille de bière. Gaétan? Oui, j'ai peur. Ben oui, pas peur, on arrive. Rosiane, amène la corde. On va le délivrer avant le début de l'émission parce que ça fait 35 minutes. Ouais, arrête de me dire ça, là. Elle me fait des signes de doigt. Oui, non, ça fait 33. 34, 31. Ben oui, on va se rendre jusqu'à 120 comme ça, là. Ne t'affole pas. Ne prends pas la girouette par le Capricorne. Et surtout, prends sur toi. Et si tu ne peux pas prendre sur toi, prends sur moi, mais prends-en pas trop parce qu'il y en a tellement à offrir. Non, il n'y en a pas tant que ça. Tout le reste, c'est avarié. Ce que je propose, c'est pas grand-chose. C'est de la tabarne. Bon. C'est ça, on va le sortir. On va amener la corde, puis on va y rentrer ça dans la bouteille. Hey, heureusement que c'est la bouteille de bière de Seco RL. Bouteille aérodynamique où l'homme peut sortir facilement. par le goulot. Et comme je lui dis, vide-la ta bouteille, sinon ça attire la mouche. Puis, fais quoi? Fais-toi-en pas, ma Gaétane. Il est rentré dans l'épicerie du coin où on vend la merveilleuse bière de Zégo RL. Et il s'est enfilé dans toutes les bouteilles, histoire de ne pas avoir de mouche noire. Et il n'y en a pas. La mouche s'est rendue lui. Ah, oh, il vole beau, là. Ah, oh, il vole beau. Il pourra plus rentrer là. Là, c'est mon nom qui est en sur la sellette. Toute la ville de Québec demain tiendra tous les gens. Les gens tiendront ce discours. C'est rénal. Puis là, les gens vont dire, les rénal. C'est tout le temps rénal. Quand ça va mal, c'est rénal. Problème en Afrique, c'est rénal. En Irak, c'est rénal. Les guerres partout sur la planète, c'est rénal. La voisine d'en bas. Ghislaine Boisvert, je peux lui lancer un coup de pied. J'ai un pied aérodynamique, là. Je peux lui faire entendre que Abadoun, ça va mal dans son foyer. Ah! Ça crie. Là, j'arrête parce que même là, dans ma vie, Jésus crie. Tu cries, tu dis, hein? On l'a déjà fait. C'est plus drôle. On arrête ça. Les micros sont comme, ah, oh, ok, arrêtez donc. Y a pas une petite flamèche, là? Pas mal sombre. C'est de la noirceur la plus totale. Ça fonctionne plus du tout. La recette est loupée. C'est trop dilu. On est des moins que... Bon, le 13, moi, ça m'amène le positivisme. Comment ça, c'est pas positiviste? Germaine, oui! Comment ça, c'est pas ça? On peut pas évaluer ça avec le positivisme. Parce que c'est pas le mot positiviste, c'est le positivisme. Oh, mais regarde-moi le professeur. C'est une ancienne institutrice. Puis depuis ce temps-là, elle reste accrochée, pas à peu près. Elle reprend tout le monde. Hein? Avec son grand nez, là. Le nez en l'air, mais pointu. Là. Avec le doigt qui ramène. Il fait penser un peu à... quel politicien, donc... vous savez, le nez en pointe. Mon Dieu, c'est un monstre. C'est un monstre. Ah, ben, c'est un monstre. Il est décédé, je crois. Enfin, j'espère. On n'aimera pas son nom parce qu'on a dit « j'espère ». On va avoir ses avocats dans l'arrière-train. Eh, monsieur, on prend toujours le derrière-train vers quelque part. Les gens ont senti le derrière-train qui décollait, hein? Eh, monsieur, si au moins l'émission lève pas, son derrière-train s'est levé. On l'a manqué, ben oui, c'était le dernier train, mais là, il voulait pas se lever, lui, là. Il était couché dans sa bouteille. On voulait pas l'amener à ce moment charnière, à ce traumatisme. Mais bon, ainsi va la vie. Les gens sont ainsi faits. La planète roule comme ça. On peut rien y faire. Jériboire. Bienvenue à la... On peut pas... Rentre la corde. Rentre là. On revisse le... Mets le bouchon. Ça se dévi... Non, c'est pas le... Garde-moi l'autre. Ça se décapsule pas. Ça se dé... De droite à gauche. Mais là, fais de gauche à droite parce que bouche là. Enferme-le. On fait comme Genie. Laisse-moi te dire que lui, c'est pas... Elle était quoi, Genie? Donc, elle était... Hein? Elle était sur la paille? Ah oui, à la fin de sa vie. Ah, mon Dieu Seigneur. Quelle femme extraordinaire, mais pauvre. Tellement pauvre qu'elle n'avait même pas de lampe pour s'allumer. Yes! L'émission risque d'être mieux que ça, là. Je m'excuse infiniment auprès de mon artiste invité là, qui doit pleurer de ses larmes chaudes. Non, c'est de chaudes larmes. Non, lui, c'est des larmes chaudes. Il m'a dit qu'il était un artiste singulier. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur, c'est moi. Là, ça va bien avec le 13, hein? C'est des court-circuits. Au niveau capillaire, là. Ah, moi, ça fait des flamèches jaunes, vertes et rouges. C'est assez illuminé, ça! C'est plus illuminé, je sais. Avec votre... Monsieur le Président! Monsieur les patrons catholiques, est cathodique. Surtout en 2012, c'est cathodique. Plus personne n'est catholique, tout le monde est cathodique. Ils ont viré. Puis quand ils virent, là, tu souhaites qu'ils soient propres parce que sinon, ça sent longtemps. Hein? Ah. Au moins, ils virent vers la gauche, virent pas vers la droite. Hein? Madame Évoluté, madame, madame, madame, avec un jour de 12 juillet, madame, madame, madame. Et le fusil dans une zan. Hein? OK. Chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Je crois que les gens en ont un ras-le-bol de cet écho-là. On va mettre un autre écho. Ah, ça, c'est un écho qu'il me plaît de vous faire pantendre. Donc, pantendre, oui. Parce que sinon, il risque de... Ah, m'en faudrait pas. Mais pas longtemps, celle-là. Mais la réverbération, vous savez, comme lorsqu'on a un de ces mal de crâne, puis on dirait que le son nous revient. Ah, comme ça! Le son... On fait des expérimentations à direct. Les gens pas. On va couper. On a notre Gaétan. As-tu trouvé le Zone off. Non, c'est pas un nouveau produit. Zone off. Zone off. On. Ouvert, fermé. En marche, pas en marche. Démarche. Oh, marche, camarade d'eau, marche, démarche. Marche plus, arrête de marcher, démarche. Et ça, c'est déjà compliqué dans notre société de marcher. Imaginez-vous dire aux militaires, démarcher. Ah, j'ai acheté tout ça dans mon panier. Là, je dois démarcher. Je dois retourner ça sur les rayons. Oh, yon, quel mal de tête, moi qui en a pas. J'ai jamais entendu ça, moi. Défaire mon marché. J'ai déjà de la difficulté à le faire, imaginez-vous le défaire. C'est une sale affaire. Madame le Pierre Lustigru, il a répondu, hein? Oui, on y roule. Fais pas ça à Denis Filiotro. Tout le temps, on y va! Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire. On n'a rien compris. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Eh oui, vous le savez, nous avons pris du retard et nous aimons ça car... Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Et j'ai reçu un message quelques minutes avant de rentrer en onde. Et croyez-moi, lorsque je rentre. Ils sont au-dessus de nous. Nous, j'aimerais qu'on sorte à l'extérieur, l'air de rien. Je veux pas que vous ayez l'air des gens qui cherchent, vous cherchez rien, OK? Vous marchez comme moi. Un peu, on va tout fredonner la chanson. Tout depuis, ça fait très, très relax. Hein? Tout depuis, tombe sur moi. Et moi, on sort à l'extérieur, OK? Et moi, je vais comme si je ne la sentais pas. Là, je vous dis qu'ils sont en haut. Là. Ne regardez pas, restez la tête à la hauteur d'homme. Oui, mais il y a juste des femmes. À hauteur de femmes. Ah, mon Dieu, en talon haut. Fait que je vais regarder en haut, ils sont en talon. Ils restent en talon bas, toi. Bas. C'est comme le parrain. Parle plus bas, car on pourrait... Mais là, c'est regarde plus bas, car on pourrait nous attaquer. Ils vont pas nous... Ils peuvent, s'ils veulent, c'est le vendredi 13. Tout peut arriver. Calme-toi, Georgette. J'ai la situation... bien en main. Oh, c'est lourd, Georgette, hein? Comment ça? Ah, ben là, j'ai été... Bon, ouais, je savais qu'il y avait une tricherie là-dedans. Mais regarde pas en haut. Regarde pas en haut. Fais pas comme... Oh, une plasticienne est passée par là. Non, c'est un plasticien. Ah, chien. Est-ce qu'il était ou pas? Ah, je dis, hey, tranquille, le chien. Ah ouais, le plasticien. Mets-en. Ah, mon, avez-vous mal au dos? Ça n'a pas de bon sens. 5 livres de mal de dos par semaine. Oh, par semaine. Ah, oh, OK, je pensais par semelle. Ah, j'ai plus de semelle, c'est tout usé. 5 livres plus 5 livres, ça fait 10 livres! Oh mon, 10 livres, là, c'est comme la vie de Victor Hugo. Oh. Non, c'est Marcel Proust. Non, c'est combien de tomes, Marcel Proust? Ah, c'est trop de tomes. Je ne cherche que des Jean-Pierre et plus de tomes. Bon. Regardez pas en haut, toujours regardant la tête basse. OK? Faites à semblant de prier. Prier quoi, je ne sais pas. Disons, on va lancer une phrase. Là. Bon. Je vous salue, Reynald, bien graisseux. Bon. Amen, amen, amen, amen, amen. Là, là, tout le monde ensemble, on va regarder en haut, puis avec notre regard, on va les enflammer, puis ça va exploser! Vendredi 13, hein? OK, on y va. Excusez-moi, j'ai un petit côté cochonnet. Cochonnet. Les gens, hey, j'ai peur, moi, là. Attention. Un, tout le monde est dehors, là. Un, il fait beau, c'est le 13 avril, là. Et wow, relaxé, là, il fait beau. Ouais, mais 13 avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil, sinon, mois de mai, goutte au nez. Ouais, moi, te lâcher la goutte au nez, mais ça va te tomber dessus, toi. Hey, regarde pas en haut, quand tout le monde en même temps. Vous êtes membre de CKRL, j'espère, là. Allez voir dans votre portefeuille. Madame, mais moi, j'ai une grande sacoche. Arrêtez de vous vanter, là. Enlève l'écho. Arrête de te vanter, toi, là, la grande sacoche. Vérifie. Ben, vérifie. C'est cartonné. Ben oui, c'est cartonné. J'espère que c'est une carte de mort. Si t'es VIP, c'est plastifié. Plastifié, hey, penses-tu, c'est plastifié. Moi, là, j'ai payé ça 25$. Mais non. Oh, mais non, 25$, là, c'est la carte de base, là. Si vous voulez avoir la carte VIP, ben là, c'est plastifié. Et VIP+, c'est coulé. Avec de l'original. Oh, c'est très... Déjà là, être membre de CKRL, c'est original à tout vent. Surtout le vent du Nord. Ah, c'est mon préféré. Je le dis souvent, le jour où je vais perdre le vent du Nord, là, je vais faire une émission qui va s'appeler Rance Renaldienne. Bon, hey, attention, carte de pan, là. Vous avez votre carte de membre, tout le monde a sa carte de membre, tout le monde essaie, parce que là, quand on va regarder en haut, on va crier notre carte de membre, ils vont se ventiler, ça va exploser. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire volatiliser. Bon, hey, t'as assez des mots. Merci. C'est juste lui que je connais. Volatiliser. Là, ne demande-moi pas de les plier parce que je mettrais V-O-O-O-O-O-L-L. Ah, voici, volatile. OK, 1, 2, 3. Toujours la nez dans cette bassine. On se balance par les deux. On se balance par les deux.

Valentine. Elle avait les yeux frisés comme un mouton. Hey, monsieur, hey, elle les avait tellement frisés, la belle, que chaque soir, elle les décoiffait. Ses yeux, ses cils. Oh mon Dieu, elle les avait, les cils. Oh. Même à la fin de sa vie, elle avait pas beaucoup de cheveux, mais elle se ramenait les cils au niveau du front, là, puis ça lui faisait une belle mèche. Ah, elle a un grand succès, elle chantait des c'était un peu la grande Piaf de l'époque. En quelle année? Ah, mon Dieu, on peut dire ça, là. Puis on peut même avancer une autre date, là. Puis c'est dans ces eaux-là. Ah, mon Dieu, une eau profonde, très profonde, belle, belle, lisse, lisse, ah! Et elle reprenait rarement les chansons des autres, quoique une de mes œuvres fut interprétée à l'époque par cette grande dame, on l'appelait la jacasseuse poisseuse. Oh! OK. Nicolas, il est un ami à moi. Il vient de l'apprendre. Hey, je suis pas un ami à ce gars-là, moi, là. Je veux rien savoir. Rien à le gagner, là. C'est à prescrire et à oublier de mon agenda. J'ai fait une grande erreur dans ma carrière là, artistique, et c'est de rencontrer ce faux mec. Cet animateur qui semblait un peu... Après, lorsqu'il était dans son bunker radiophonique, il disait des ignominies, une stratégie improvisatrice qui ne pouvait pas aller plus haut que son intelligence qui se veut et qui s'identifie, qui s'analyse très, très, très, très, très, très, très vers le bas. Donc, c'est je rencontre depuis tout le temps, depuis sa rencontre. Ça, c'est Nicolas qui pleure. Je rencontre un psychologue. Là, ouais, mais il n'y a pas d'accent. Ben non, Nicolas n'a pas d'accent non plus. Là. Il prend ça pour avoir l'air, pour attirer la fille, pour attirer la vedette, pour attirer le spectateur. C'est comme ça qu'il s'y prend, là, avec un petit accent français. Et un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Oui, alors place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rinaldien, bref, place à l'envoûtement, puis peut-être pas en avant la zizé. Quand on va faire le premier bloc musical, pas... Lâche la musique! Oui. Oui, imaginez-vous, s'il faut que j'abandonne la musique. Nicolas m'abandonne. Mon émission va me glisser sous les pas. Sous le pas. Sous le pas. Et ce sera le trépas. Oh mon Dieu, le trépas vers des pas. Non, ben oui, oui, ben oui. Si tu suis là, la démarche, là, et que dans le pas, il n'y a plus d'empreinte, c'est la fin. Parce que comment faire pour me souvenir du chemin que j'ai franchi si je ne vois point la racine de mon œuvre qui pointe à l'orée du jour? Monsieur? Oui. Ce n'est pas le jour. Ah, mon. Vous me ressuscitez, vous, là? Non, ce n'est pas le matin. Ah, ben, presque. Non, c'est la nuit. La nuit. La nuit, la grande label. Label? Nous avons que. C'est vrai, Rance Rinaldienne n'a pas de label, n'a pas de numéro d'entreprise. Ben, c'est KRL. Ouais, ah, oh ben. Elle-même veut oublier. Oh, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, on cherchait le bac. Non, on cherchait le boîtier. Oh, le boîtier est en train Bon, on va dire la phrase avant que je fausse, même en première phrase. C'est pas le titre, non, on va dire la phrase avant. On habitait juste en face au parc MacArthur, Linda et moi. Linda travaillait à la pizzeria du coin. Non, pas ce coin-là, là, le deuxième coin à gauche. Vous voyez l'embranchement, là, il y a la 3e avenue, puis il y a la 8e rue. Ben, c'est juste au niveau du pylône, l'horloge, là, en bas de l'horloge. C'était sa voiture qui était remplacée en pizzeria. Elle enlevait elle retirait les bancs, elle retirait le volant, elle retirait les pédales. Oh, les pédales! Les pédales, il n'y avait plus de pédales. Oh mon Dieu, il n'y avait pas de client! Oui, mais pas de pédales. Oh mon Dieu! Oh, oh. Et donc, ma belle adorée, que j'ai aimée pendant 3 jours. Oh! 3 jours et une nuit. Mais voyons donc, comment tu comptes ça, toi, 3 jours et une nuit? Mais on va te raconter ça. M'en va pas, moi, là. Reste ici. Je reste là. On va te... Oui, on y va. OK. Là, je dois dire pourquoi je dis de 3 en 1. Ben oui. Parce que c'est comme ça, l'amour. Ça se calcule pas. C'est pas cartésien. Hein, c'est chimérique. Ah, mon Dieu, il vient de chimériser. Oui, hein, tu chimérises, c'est régulièrement, ça se dit pas chimérise. Ah! Qu'est-ce que tu viens de faire? Absolument rien, moi, là. Je viens de... Ah, ben oui, je viens d'arriver! Oh, bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle. Non, la pizzeria est en bas, dans sa voiture. Donc, c'est quoi, là? C'est un rassemblement de neurones. C'était une fête à l'intérieur de ma tête. Ah, oh, mon, c'est ça. Et, dites pas autre chose, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, elle ne pouvait pas exécuter l'extra large. Parce qu'elle était? Non, elle était pas. Elle était toute menue, toute jolie, toute belle, toute noire vêtue, cheveux bouclés, yeux amandes. C'était ma Juliette Gréco à moi, tout seul. Quelquefois, elle sortait de son véhicule enfariné. Ben, mon Dieu, c'est une junkie. Non, non, enfin, enfariné de farine. OK. Elle se pointait devant la lanterne, devant l'antenne de son véhicule. Oh. Et elle se mettait à chanter. Au moins, elle chantait, parce que si elle... Non, non, elle se mettait pas tout seule, mais elle se mettait à chanter des œuvres, des grandes... interprète, j'allais dire chanteuse, mais ça faisait... Oui, ça faisait repasser sur... Ah, on n'aime pas ça repasser, nous. Quand je m'achète des chemises, moi, là, c'est... Tu laves, tu places, tu mets. C'est ça, du 8 au 31 donc, juillet, tous les jours. Peut-être... Ça va être bien rodé. Ben oui, mais c'est... On va y rencontrer des programmateurs et des tourneurs, y compris du Québec. Ben et oui, l'année prochaine, c'est parti. On se voit au Québec. Voilà. Mais j'espère bien que le printemps ou l'été prochain, on arrivera à faire cette petite tournée québécoise. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'y revenir. Mais toi, ça fait 14-15 ans que tu es dans ce métier-là. C'est ça, 13-14. 14, si je me fie à ton encyclopédie cybernétique. Moi, 18.

Comme le mentionnait Jim Morrison. Prends une grande gorgée, merci. Je dirais pas une grande gorgée de quoi, parce que les gens vont dire « Puis ils ont raison. Quand je parle, quand je discute, quand je dialogue, j'ai de la salive en... Je pourrais fournir... Le désert de Brahma, le désert de Sarah. Ah, mais c'est vrai que Sarah s'est désertée. Hein? Et sec. Alors la peau sec. Alors les yeux sec. Hey, elle peut même plus se fermer puis s'ouvrir les yeux. C'est quoi ses pupilles ne ventilent plus. Sa bouche ne s'exec. Qu'est-ce que tu voulais dire? Exécuter. Ce n'est s'exec. Et que monsieur, oui, je me pardonne. Oui. On te laisse une dernière chance, sinon on coupe avec comment il s'appelle, Baby Rumber. Pas Baby Rumber, oui, le grand Baby Rumber. On préfère-tu entendre Baby Rumber ou on va s'exécuter? Ah mon Dieu. Alors tu montres ton idiotie au grand jour. Les gens le savent. OK. Alors comme le mentionnait Jim Morrison, il veut pas. Il n'ose pas. Et c'est mieux pour nous. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. J'ai peur. Madame, avez-vous peur encore, madame? J'ai peur. Bon, et on a deux. On est deux peureux. Ben oui, attendez, madame. Je sais que vous êtes une femme, vous êtes peureuse, mais moi, je suis peureux. Alors... La misogynie francophone dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, tu peux placer 15 millions de femmes dans la peur la plus intense. Tu leur présentes un film de Polanski. Le bébé de Rose Baby. Non, c'est Rosemary. Marie in chains et nous mouton. Non, non, et vous les placez devant ce film. Ou Shining, l'enfant de moins que de lumière. Mais non, c'est l'enfant lumière. Ah, mais moi, j'en suis pas. Une quoi? Une enfant. Non, t'es un enfant. Et donc, vous allez avoir peur, hein? Mademoiselle, 14 millions de demoiselles qui ont peur. T'es rendu à 14? Ah, je peux même... 250 millions, je suis comme un enfant. Hein? Des enfants, hein, ont de la difficulté. Moi, je t'aime comme... comme toute la Terre. Oui. Comme tout l'univers. Ah, mon dos. Comme toute la planète. Mais là, est-ce que l'univers est plus grand que la planète? Est-ce que la planète est plus grand que... Je t'aime, maman. Oh, mon, les mères, ça pleure. Hein? Oh, c'est pas moi, là, parce que je suis un père, là. Mais on va placer toutes les demoiselles, les filles, hein? 14 milliards de femmes. Oh, mon Dieu, t'es comme Jacques Dutronc. 14 de femmes, et moi, et moi, et moi. Et un mec là-dedans, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais à vrai dire, si vous placez le gars avec autant de furie féminine, le gars est mort. Il est plus capable. Il rampe, il pleure. On l'écartèle, on y enlève tous les membres, on les disperse partout. Là, les filles, les femmes lui dit à ce gars-là, « Hey, est-ce que le masculin l'emporte sur le féminin maintenant? » Hein? Misogynie, revisitons la langue française. Au lieu de dire, est-ce qu'on doit dire un cheval, des chevals? Non, non, non, non, non, un cheval, des chevaux. Mais là, il me semble que tu dois additionner le féminin puis le masculin. Puis s'il y a plus de féminin, ça serait le féminin qui devrait l'emporter. Et hey, là, si ça passe sur YouTube, là, si c'est diffusé partout. Les puristes francophones vont dire « Hey, il a fait 14 erreurs francophiles là-dedans! » Déjà là, francophile peut-être que, hein? Ça n'existe pas. Les francophiles, ça n'existe pas. Non, les francophiles, ça n'existe pas. Quoique, il y a bien d'autres choses qui existent. Alors, cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. On continue, on poursuit. OK. Alors, lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, et je dis ça les yeux fermés, c'est merveilleux. Je me relaxe, je fais du yoga intérieur, je m'introvertis pour mieux m'expulser vers vous. Hey, c'est beau! Oui, c'est beau, mais je comprends absolument rien de ce que je viens de dire. Intro, expulse, ah, mon Dieu, je ne suis pas enceint, moi, là. Je ne vais pas accoucher. Là. Puis même si j'accouche, comment je vais faire? J'aimerais savoir, là, à l'heure où on se parle, on est en 2012. 14 avril 2012. Non, 13. 13 avril 2012, excuse-moi. OK, merci, madame. Hey, 13, 13. Elle, là, sa mission à cette émission-là, c'est de se souvenir que nous sommes le 13. Elle a juste ça à tenir compte. Et moi, je dois avancer mot sur mot. Je dois amener image sur image, idée sur idée. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là, donc? Je ne le sais plus. Ah, mon Dieu. Hey, ça, c'est de la Clémence Desrochers. Ah, mon Dieu. C'était bon, c'était très bon. Je voulais enchaîner, mais je m'en souviens plus. Ah, mon Dieu. Bon, ben écoutez, on va aller avec le mot qui est énergie. On en manque d'énergie ce soir, là. Ben, on n'en manque pas, mais il y a de l'énergie qui se perd quelque part. On ne sait pas où, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2... OK, c'est écrit ici. Ben, c'est bien, hein? 5, OK. Il y a de l'énergie qui se perd, puis il y a des mots et des chiffres qui sont évalués, mais que l'autre ne voit pas. C'est de l'invisibilité pour l'un et de l'observation pour d'autres. Mais là, c'est pas de l'énergie, ça, là. Ça, c'est de la compréhension, parce que l'énergie vient de l'intérieur et s'amène vers l'extérieur. Ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est depuis que le monde est monde. Enfin, depuis que je suis au monde. Je suis au monde. Je suis bis au monde. Hey, monsieur. Ça, c'est mon interprétation de Sylvain Lelièvre. Venir au monde. Venir. Oh, excuse-moi, Sylvain. Mais à juin, juillet, avril, avril avant. Avril, deuxième moment. Énergie. L'énergie part de l'intérieur vers l'extérieur et se propulse partout. Partout, partout. Et c'est les autres qui le gobent et l'introduisent vers eux, à l'intérieur d'eux. Alors, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est beau, ça. C'est bien de dire ça. Et Bertrand Cantat, en spectacle, disait que lui offrait comme ça, hein, envoyait de l'énergie. Mais pour lui, son ressourcement n'était pas là-dedans. Après les spectacles, il devait se retirer, contempler. Moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est autrement. Moi, c'est... je sais pas. Madame Tremblay. Dans ton scénario, c'est indiqué page 3, alinéa 17. Oui. Offrir et ne jamais s'étendre. Ah, mais ça, je m'étends rarement, moi, là. Je suis insomniaque. Insomniaque roulant? Non. Insomniaque croulant. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this world is fine. Goodness great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twitch all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.

slow. L'hiver s'en va, c'est dur à croire, mais on ne passe à travers. La terre dégèle, les filles sont belles dans l'hôtel, il fait chaud. Y en a qui se promènent avec une petite chaîne en or des mains, puis d'autres un peu moins chanceux avec un couteau. Oh, j'y vas-tu ben non, si j'y vas pas. Le calais d'un coup sec, son double thé qu'il a. Il a traversé toutes les danseurs, puis il est allé y demander. Viens-tu danser? Au grand slow. Collé. Y'a rien de plus plate qu'une vue d'horreur d'une ville fantôme. Un peu plus tard, ils sont allés sur le chemin de la dompe. C'était un de ces soirs si doux que tout va jusqu'au bout. Y'a remercié la lune de rouler en station. S'est collé sur lui. Dans ces cas-là, une étincelle suffit. Tout comme le feu qui pogne dans le foin et puis qui brûle la grange. Ils ont baissé le siège. Il a demandé c'est quoi ton nom? Oh. Samedi après-midi, il n'y avait rien de spécial, alors je me suis dit, c'est le moment idéal. Je vais me payer une sensation rare, m'en va aller faire le ménage dans le hangar. Ça faisait 20 ans, j'avais pas mis le nez là, ça grouillait là-dedans, mes amis, croyez-moi. Dehors, il y avait un beau soleil canadien, je me suis dit, non, Richard, ça fait tellement de temps que tu ramasses tes cartes. J'aime à peu près à ça des paires de slips de BS. Si tu vas faire comme les gens sont honnêtes, tu vas te payer un sabbatique. Mais où aller? Ça fait que j'installe ma carte du monde sur mon mur. Je mets un bandeau, je prends une petite aiguille. Je me suis dit, là, ce que ma petite aiguille va rentrer, c'est là que je m'en vais. Je plante mon aiguille, j'ôte mon bandeau, chibougabou. J'aurais pu tomber dans un lac. Hein? Ça fait que je prends mes dispositions avec le bien-être social. Ils ont des guichets automatiques partout. Quand j'arrive à l'hôtel central de Chibougamau, au bar Les Copains, il y avait un gars assis au bar là-bas. Là. Un gars assis au bar. Il y en avait un. Ça fait que je m'informe. Il dit, m'envoie ici pour une petite escousse. Ça fait que j'aimerais bien ça savoir à propos des attractions touristiques. Tu sais. Ben là, il dit, le bureau de poste vient de farmer. Là. La danseuse, elle va commencer un petit peu plus tard. Il dit, je te dérange pas toujours. Oh, il dit non, il dit, de toute façon, je pense à d'autres choses. Chose qui te fatigue, je sais pas, moi, la constitution, l'environnement. Ça, l'environnement, ça, regarde, d'ailleurs, il en reste encore en masse. Non, il dit pas ça, il dit, c'est parce que là, il dit, la compagnie, il vient de fermer son plan, cette là, puis ils ont ouvert un projet en Arabie, ça fait que ils ont besoin de moi là-bas, puis je sais pas trop si je vais y aller, tu sais. C'est pas comme ici, là-bas, tu dis ce que tu penses, il coupe la tête. Il vole une pomme, il coupe un bras. Tu t'excites, et... en tout cas. Fatigant. On commence à être chum, moi, puis lui, tu sais, on avait mis ça clair, tu sais, on s'est dit, pour pas que ça nous coûte trop cher de bière, ben on va payer chacun notre tour. Là, à un moment donné, il dit, ouais, mais il dit, ça t'entendra pas, toi, de venir avec moi là-bas, en Arabie. Ah, oh, ben, là. Je sais pas ce qu'ils en sont rendus avec le bien-être social international. Ça fait qu'on arrive en Arabie. Traversait les douanes, puis pendant qu'ils nous fouillaient, ben nous autres, on roulait un petit joint tranquille. Tu sais. On avait commencé à se mettre chum ensemble, on avait des habitudes. Tu sais. On aimait ça des fois, nous autres, tirer une petite tonque, tu sais, puis on savait que là, c'était à la place, tu sais, pas trop cher, puis on cherchait un peu, tu sais, c'était là, puis finalement, on se retrouve devant une gang d'Arabes, tu sais, mais on attend, puis quand même, pas venir ici de parler baseball. J'ai dit là, en attendant, j'ai dit, on va en profiter pour entamer le dialogue. C'est toutes sortes d'affaires des religions de nos jours, tu sais, puis c'est peut-être qu'ils connaissent pas très bien notre religion, nous autres, ça fait que je m'en vais leur expliquer notre système de logique de notre religion, nous autres. Ça fait que là, je commence, j'ai dit, nous autres, ça commence avec un dieu, là, il est splitté en trois, là. Avec comme un triangle avec un œil qui flash, là. Puis après ça, j'ai expliqué des affaires difficiles à comprendre, comme nous autres, on sait sûr qu'il y a le ciel, il y a l'enfer, mais entre les deux, des fois, c'est ce qu'on appelle les limbes. Ça, c'est en quelque part dans le nord de l'Ontario, ça, c'est quand même... Après ça, on est rentré dans l'abstraction pure, des affaires comme la transsubstantiation. L'Immaculée Conception, ça a pris un certain temps, ça. Donc, mais elle va la comprendre, il disait pas un mot, tu sais. À un moment donné, j'ai dit, bon, mais là, la différence entre vous autres et nous autres, c'est vous autres, vous pensez qu'il y a un paradis sur Terre, je sais pas. Nous autres, on a un spot pour ça, tu sais. Ça fait que si vous voulez bien faire le tour du propriétaire, embarquer dans la toboggan volante, on va aller faire le tour. L'autre jour, me promenant près du moulin, j'ai rencontré ma meunière. L'autre jour, me promenant près du moulin, j'ai rencontré ma meunière. Ses longs cheveux, ses blanches dents, et la nature. Je n'ai jamais vu rien d'aussi beau. Je crois vraiment c'est l'amour qu'il a fait. Je n'ai jamais vu rien d'aussi beau. Je crois vraiment c'est l'amour qu'il a fait. La belle, si tu voulais venir avec moi à l'ombre du feuillage. La belle, si tu voulais venir avec moi à l'ombre du feuillage. Je te ferai voir l'oiseau des bois aussi, l'oiseau du monde. Je te ferai voir l'oiseau du désert en servirant les deux ailes à l'envers. Je te ferai voir l'oiseau du désert en servirant les deux ailes à l'envers. Quand la belle a vu cet oiseau, la belle se mit à rire. Quand la belle a vu cet oiseau, la belle se mit à rire. Prêtez-moi-les, que je le mette en cage. Prêtez-moi Allez, je vous en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Prêtez-moi les, je vous en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 8 à 9 mois tout au plus, l'oiseau sorti de la cage. Au bout de 8 à 9 mois tout au plus, l'oiseau sorti de la cage. La cage ouvrit, l'oiseau s'enfuit. Grand Dieu, quel dommage. La belle s'écrie à haute voix, voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. La belle s'écrie à haute voix, voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. Merci. On se retrouve la semaine prochaine à Errance Reynaldienne. Si vous voulez m'écrire, c'est simple. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@mail.com. Faites-moi signe. Merci. Allez, d'accord, je te dis tout. J'en ai connu des petits gars, j'en ai connu des beaux comme tout. J'en ai connu des beaux comme toi. Comme toi, ça faisait des cabrioles pour me filer entre les doigts. Du coup, je pouvais faire le marieur quand il défilait sous mes draps. Tu vois, tu seras pas le premier, mais je veux bien te le faire croire. Tu sauras toujours où sonner si tu ne veux pas dormir un soir. Allez, je t'assure que tu es unique. Et si tu veux, je te le redirai. C'est pas bien grave, tant que je te plais, je vais pas céder à ta panique. Bon bah d'accord, t'es sensible, alors s'il faut que j'insiste, je dirais que c'est irrésistible, les petits gars qui me résistent. Quand on fait non de la tête, le corps fait parfois le reste. Moi j'aime ceux qui s'entêtent, j'aime ceux qui me détestent. Tu vois, tu seras pas le dernier, mais je veux bien te le faire croire. Tu sauras toujours où sonner, si tu ne veux pas dormir un soir. Allez, je t'assure, t'es le seul qui me plaise. Et si tu veux, y aura que toi. C'est pas bien grave, tant que tu me vas. Et t'en fais pas, y'a pas de malaise. Allez. Ouais, mais bon, t'es pas certain. Combien y'en a eu avant? Est-ce qu'en ce moment j'ai quelqu'un? Et puis toi là-dedans? Alors, j'ai pas quelqu'un, j'ai quelques-uns, mais je serai entier avec toi. On sera deux et on sera bien, sauf si tu veux qu'on soit trois. Mais non, tu seras pas partagé, et t'as même pas besoin d'y croire. Mais t'auras toujours où aller, si tu ne veux pas dormir un soir. Allez, je t'assure, t'es pas ridicule, faut pas que tout ça t'embarrasse. C'est pas bien grave, tant qu'on s'embrasse, tu seras le plus beau de mes Jules. 5, 6, 7, 8, c'est reparti. Encore. Allez, je t'assure, tu seras pas qu'un de plus. Oublie tes vieilles leçons de morale. C'est pas bien grave, tant qu'on se parle. Y'a pas meilleur dieu que Bacchus. Tu vois, tu seras pas lésé. Pour ça au moins tu peux me croire. On saura bien jusqu'où aller, si tu ne veux pas dormir. Si tu ne peux pas dormir ce soir. Ce soir? Ouais? Non? Ce soir? Eh ben, ok.

ça rapportera des gonzesses à ce que dit la presse. Quand j'aurai 30 ans, je serai l'escroc phénoménal qui fera même bander les clients de la satiété générale. Quand j'aurai 30 ans, j'aurai le nez dans mes affaires, l'amour dans une bague en diamant et mon bonheur en bandoulière. Passer le temps, l'autobanco, bistrot, famille. Quand j'ai eu 30 ans, je rêvais plus de célébrité. J'étais même tout à fait content de ma télé-réalité. Quand j'ai eu 30 ans, je ne chantais plus ces conneries. À croire qu'on a tout notre temps, on laisse pousser les dents pis. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagnier, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagnier ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.